La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, préhistoire, où sont les femmes ? Je sais, c'est une question presque déjà posée et partiellement résolue par Patrick Juvet, qui se demandait où sont les femmes, à la fois si belles et si pâles, aux yeux qui traînent et qui flânent, etc. Mais je vous propose que nous nous reposions cette même question à notre façon, en partant d'un truisme. Il est difficile de voir le passé tel qu'il était lorsqu'il était présent. Cette évidence est d'ailleurs ce qui rend la tâche de l'historien démesurée, voire impossible. Car la durée qui nous sépare du passé n'est pas seulement une épaisseur dont l'opacité rendrait son image plus confuse. Au cours du temps, c'est aussi notre façon de regarder qui sans cesse se modifie. Et pourtant, parce que nous négligeons ces productions irréversibles de l'historicité, nous avons tendance à faire comme si le passé, forcément similaire au présent, n'en était qu'un doublon temporellement décalé. Et c'est ainsi que le passé se trouve réduit, condamné, à n'être que la chambre d'écho du présent. Par exemple, s'agissant de la préhistoire, dont l'étude a commencé seulement au XIXe siècle, les normes et les préjugés de cette époque sur le rôle des femmes ont été abusivement rétroprojetés, presque à l'identique, dans les sociétés les plus anciennes, au point de conduire à penser que les femmes préhistoriques passaient leur temps à passer l'aspirateur dans la grotte. Dans la construction de tels discours, quelle fut la part des biais désormais dits de genre ? Posons cette question autrement, sous la forme d'une expérience de pensée. Quelle serait l'histoire de la préhistoire que nous raconterions aujourd'hui si les préhistoriens avaient été des préhistoriennes ? Pour le savoir, je me suis demandé si le mieux n'était pas d'inviter une préhistorienne. Bonjour Marilène Patoumadis. Bonjour. Vous êtes donc préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au Muséum d'Histoire Naturelle, et vous publiez un livre chez Alary Éditions dont le titre est « L'homme préhistorique est aussi une femme ». Avant de commencer notre conversation, je voudrais transmettre deux messages. D'abord, rendre hommage à la mémoire de Michel Alberganti, qui est mort cette semaine. C'était un grand passeur de science, qui était aussi un ami, et qui avait notamment animé sur les antennes de France Culture l'émission « Science publique ». Et cette émission, la conversation scientifique, lui doit beaucoup. Et je voudrais également féliciter Nicolas Martin, le dynamique producteur de la méthode scientifique, que vous pouvez écouter chaque jour de la semaine à 16h, qui vient de se voir attribuer le prix du journaliste scientifique de l'année, notamment pour tout le travail de pédagogie qu'il a su faire avec son équipe sur le coronavirus et la pandémie. Mieux que personne, il a démêlé le vrai du faux et séparé le su de l'insu. J'en viens à notre sujet, Marilène Patoumadis. J'ai appris beaucoup de choses en lisant votre livre, mais je vais faire semblant de ne rien savoir et vais donc vous poser des questions extrêmement naïves. La première est, la préhistoire, ça commence quand et ça s'arrête quand ? Alors la préhistoire, c'est une très très très très très longue période. Alors déjà, préhistoire, c'est préhistoire. Comme si la préhistoire ne faisait pas partie de l'histoire. Donc ça, déjà, faudrait faire un petit arrêt sur ce questionnement. En réalité, c'est notre histoire. Bien entendu, c'est notre histoire en tant qu'espèce humaine. Et ça, c'est quand même important parce que déjà, ça met un petit côté un peu péjoratif. Vous voyez, c'est avant, déjà. Là. Donc c'est un premier point que je tenais à dire. C'est quand même important, c'est dans l'histoire. Et surtout en ce moment. C'est très important de rappeler que c'est toute une évolution, tout un processus, à la fois biologique et culturel. Alors cette préhistoire, elle se sépare en deux grandes parties, une beaucoup plus grande que l'autre. C'est tout ce qu'on appelle le paléolithique. Donc on voit très brièvement la séparation actuellement là, entre les grands singes qui sont très très proches de nous, même au niveau génétique, et la lignée qui va nous donner, nous, notre espèce Homo sapiens, c'est à peu près vers 8 millions d'années. Donc ensuite, il va y avoir différentes espèces qui vont être soit sur la lignée qui va nous donner Homo sapiens, soit qui vont disparaître. Donc pendant, on va dire, très longtemps, d'abord en Afrique, et puis après on a les migrations en Europe et en Asie. Et cette période va... plus ou moins selon les régions, passer de ce paléolithique, cette grande période paléolithique où nous sommes des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire des prédateurs. On prend tout ce dont on a besoin à l'époque dans la nature pour se vêtir, pour se nourrir, etc. Donc ça a un rapprochement très fort, un lien très très fort avec la nature. Donc à peu près vers 14, 12 000 ans, on va d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup, ça prend un peu de temps quand même, mais on va changer, on va passer au néolithique qui est toujours considéré dans la préhistoire. Et le néolithique, c'est là où on va avoir une transformation de l'environnement. Tout le paléolithique, on a alternance de glaciation et d'interglaciation. Et là, on va rentrer dans la phase qu'on appelle du réchauffement, hein, on va passer du Pléistocène à l'Holocène en termes géologiques, et là on va devenir, et les humains vont être, pas tous, quelques-uns et tout, vont être des producteurs, c'est-à-dire qu'on va changer d'économie, et on va domestiquer les plantes, domestiquer les animaux. Donc là on est dans un autre monde, la structure sociale va être différente, on va voir là aussi apparaître certaines choses dans la structure sociale, on y reviendra je pense. Donc voilà, c'est cette grande période. Donc le paléolithique, ça dure à peu près 800 fois plus longtemps que le néolithique. Tout à fait. Alors bien sûr qu'il y a, au début, vous savez, c'est toute cette période de ce qu'on appelle les australopithèques, hein, pour synthétiser. Donc on a après on a l'apparition du genre Homo, hein, vers 3 millions d'années, et ensuite on a toutes les espèces qui sont comme nous, appartiennent au genre Homo. Donc c'est un long processus, à la fois biologique et aussi culturel, surtout pour les dernières parties. Et là, on va beaucoup, comme dans mon livre, on va beaucoup s'intéresser à ce qu'on connaît le mieux au niveau des comportements, c'est-à-dire tous les Néandertaliens, hein, qui sont à peu près en Europe et au Proche-Orient, en Europe apparaissent vers 400, on va dire, on va résumer, vers 400 000 ans, et puis vont s'éteindre à peu près, vont disparaître, en tout cas en termes de civilisation, vers à peu près 35 000 ans, et puis bien sûr les sapiens, hein, c'est-à-dire nos ancêtres directs, les Homo sapiens, qui apparaissent, le plus ancien fossile est au Maroc, donc a été découvert au Maroc 300 000 ans, et puis qui, bien sûr, on est encore là. Donc voilà, c'est surtout ces deux humanités dont on parle, on va parler, et surtout je parle dans mon livre parce que c'est là où on a beaucoup beaucoup plus de matériel, et on peut dire des choses, quoi. J'ai une deuxième question naïve. Oui. Depuis quand est-ce qu'on étudie la préhistoire, et depuis quand est-ce qu'on est capable de faire la différence que vous venez de détailler entre le paléolithique et le néolithique? Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est très récent, c'est le 19e siècle, en tant que discipline. Hein. Au début, au milieu du 19e, vers 1860, au début, il y a bien sûr des fouilles. Hein. Au début du 19e, il y a quelques fouilles, etc. Tournal, Boucher de Perthes. Mais vraiment, en tant que vraie discipline et tout, ça va s'ancrer dans ce milieu du 19e siècle. Mais ce qui est très intéressant, ces âges. Ces trois âges qu'on disait, vous savez, l'âge de la pierre taillée, l'âge de la pierre polie et le métal. Et en fin de compte, Lucrèce en parlait déjà. C'est incroyable. Donc, c'est quelque chose qui était déjà un peu quand même pressenti, presque pas, voilà, une espèce d'intuition géniale. Et donc, à la fin du 18e, il y a déjà les géologues qui commencent à réfléchir sur ça. Et on va être beaucoup dans l'étude des fossiles au départ, et pas forcément des fossiles humains. Et évidemment, l'histoire est très marquée pour nous, pour les humains, par rapport à la publication, évidemment, de 1859, qui est fondamentale. Et surtout pour nous, préhistoriens, 1871. Hein, c'est là où on va dire qu'on a un ancêtre commun, les humains, avec les grands singes. Toutes les caricatures qui vont sortir à l'époque sur le pauvre Darwin. Donc ça, c'est important de voir que ça va jouer. C'est-à-dire que le début, le balbutiement de la préhistoire, il commence même un peu avant Darwin. Donc là aussi, je pense que ce qui est très important pour nous, c'est de remettre aussi dans le contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des scientifiques, à nos prédécesseurs et tout, d'être darwiniens ou d'être évolutionnistes avant l'apparition et le développement. Il y avait déjà Lamarck, évidemment, il y avait déjà beaucoup de choses. Mais vous voyez, et c'est important de remettre que, quelque part, j'en veux pas trop, enfin, ça serait stupide de penser comme ça, que ces premiers préhistoriens, tous des hommes, évidemment, on est au 19e siècle, aient vu la femme, les femmes préhistoriques, avec, en fin de compte, leurs yeux et la mentalité de ces hommes du 19e, c'est-à-dire dans une société occidentale et patriarcale, parce que la préhistoire, en plus, c'est vraiment en Europe, donc beaucoup en France, en Belgique, en Angleterre. Donc en plus, vous voyez, c'est vraiment le côté occidental. C'est-à-dire que on n'a pas d'exemple de texte sur la préhistoire écrit en Asie, parce que à ces périodes-là, non, c'est plus tard. Avec là, ça m'amène à une troisième question, Marilène Patoumati, c'est depuis quand existe-t-il des femmes préhistoriennes? Des femmes qui étudient la préhistoire. Alors, de toute façon, au sens archéologique du terme, parce qu'on est des archéologues spécialisés dans la préhistoire, on a quelques archéologues qui vont être, après la première guerre de 1914, mais surtout, ça va se développer dans les années 1950. Donc voilà, il va falloir attendre un peu, il va y en avoir plusieurs. Et puis il y a certaines disciplines en plus qui vont être, au départ, ça va être, disons, rester très masculin. Par exemple, tout ce qui va toucher la taille des outils, etc., même en tant que préhistorien, hein, pour les études, ça sera plutôt masculin. Pendant très longtemps aussi, on a eu beaucoup d'hommes, à part une exception, l'ami Grand Prère qui était l'étudiante de Leroy Gourhan, mais sinon on avait beaucoup aussi de spécialistes pour l'art masculin. Ça, c'est important. Depuis quand est-ce qu'on parle d'une archéologie du genre? Alors c'est récent. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur le temps, c'est récent. Disons que c'est dans les années 70, évidemment, les anthropologues américaines, parce que tout vient quand même des anglo-saxons et surtout des États-Unis, parce qu'il va y avoir un grand colloque, je crois que c'est, si ma mémoire est bien, en 69, qui s'appelle Man's Hunter. Et là, il va y avoir un grand mouvement. Du côté des anthropologues féministes qui vont dénoncer cette emprise du chasseur, c'est-à-dire du côté viril, pour l'origine de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils se disent, là vous partez du principe que ce qui a fait, ce qui a construit la culture humaine, ce qui a construit notre humanité, c'est en fin de compte basé sur le chasseur. Et elles ont dit, mais pourquoi ça serait pas sur la cueilleuse? Et en fin de compte, ça n'a pas du tout pris. Ça n'a pas pris du tout. C'était incroyable. Pourtant, ça pouvait se défendre. Mais l'argument principal, c'était que le regard porté sur les humains préhistoriques était un regard exclusivement masculin. Essentiellement, évidemment. Et même là, vous vous rendez compte, dans ces années 60, 70, ça reste extrêmement masculin. Et donc, c'est évident qu'elles ont eu du mal à imposer ça. Pourtant, ça partait d'un constat de voir que beaucoup de femmes étaient liées aux plantes, à la cueillette, etc. Donc, elles disaient, mais en fin de compte, pourquoi ne pas voir que la société aussi s'est construite sur la femme et sur la cueillette? Et cette idée, elle est reprise un peu plus aujourd'hui, ou est-ce que Oui, il y a des résistances, parce que si vous voulez, on est au départ, quand j'ai travaillé sur ce livre, j'ai essayé de comprendre pourquoi on constatait cette invisibilité, ou bien cette division sexuée très marquée. C'est-à-dire qu'on définissait que les femmes préhistoriques faisaient telle activité, et pas les autres. L'autre, c'était les hommes qui le faisaient. On ne sait pas des fois pourquoi, on en reviendra. Mais, et là, ce qui est assez fou, c'est que on peut le comprendre au 19e. On peut le comprendre. C'est une société comme ça, le regard masculin, tout ça. Mais ça a perduré parce que, et à mon avis, c'est un deuxième biais méthodologique, c'est qu'on va s'appuyer sur les ressources ethnographiques. On va regarder du côté des peuples chasseurs-cueilleurs. Et ça, c'est un deuxième biais. Parce que, comme vous disiez très, très justement dans votre introduction, il est difficile pour nous de s'imaginer ce passé lointain. On n'a plus le même rapport à la nature, on n'a plus les mêmes besoins, on a toutes les connaissances qui se sont accumulées au fil du temps, on a un autre mode de vie, enfin bref, on est complètement... Donc c'est très dur, il faut changer de perspective, et ça c'est très très compliqué de changer de perspective pour essayer de se mettre dans la perspective, enfin un humain préhistorique. Et là donc il y a eu, c'est ce qui me gêne beaucoup dans ce côté de comparer, de faire un comparatisme comme ça, de dire ces peuples-là, je pense le dernier Bushman, moi j'ai eu la chance de vivre avec eux dans le Kalahari, je pense aux Indiens d'Amazonie, à certaines tribus d'aborigines d'Australie, etc., de dire ils font ça comme ça, donc les femmes chez ces peuples-là, dans la majorité des sociétés, elles sont à la cueillette et les hommes sont à la chasse, leur statut est celui-là, leur... Mais attendez, On peut pas dire ça. C'est-à-dire que Serge Bahuchet, déjà spécialiste des pygmées, j'avais fait un colloque en 1997 sur l'alimentation des humains préhistoriques, et il l'a dit, il l'a écrit dans les actes qu'on a publiés, on peut pas, c'est pas valide de calquer leur comportement sur les comportements des humains préhistoriques. Ça n'est ni une preuve, ni un argument. Mais bien sûr. Mais ça peut sembler convaincant à certains esprits. Et ça peut, exactement. Alors que c'est terrible, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pensez, que l'on pense, que certains pensent, que pendant 10 000 ans, voire 12 000 ans, ces sociétés n'ont pas évolué. Mais vous vous rendez compte? Comment on peut... comme a dit avant moi des gens que j'aime beaucoup, Hélène Clastre, Pierre Clastre, bien sûr, Race et Histoire avec Lévi-Strauss, comment peut-on penser qu'ils n'ont pas eu d'histoire? Eux, ils ont fait comme nous, comme nos sociétés. Ils ont eu 10 000 ans. Donc, qu'au niveau technique, si vous voulez, des moyens de subsistance, etc., des techniques de taille, de tel type de matériaux, pourquoi pas? Pourquoi pas regarder? Mais attendez, au niveau de leur structure, ils ont évolué. Ils ont vu aussi des migrations. Je veux dire, moi, j'ai vu chez les Saints du Kalahari, ils ont vu d'un seul coup arriver ils étaient tout seuls en Afrique australe, ils ont vu arriver les Bantous, après ils ont vu arriver d'autres groupes, après ils ont vu arriver les Blancs. Enfin, tout ça, ça provoque des changements, surtout de ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire les structures sociales, la vision, la cosmogonie, la vision du monde et des relations les uns avec les autres. Donc, je pense que ça, pour moi, ça pose un vrai souci. On peut questionner la matière, et puis, mais au niveau de l'anthropologie sociale, ça me paraît quand même très délicat. Alors, vous parlez, Marie-Hélène Patoumatis, d'un discours masculin, mais vous citez aussi l'anthropologue Françoise Héritier, qui est morte récemment, en 2017, je crois, qui expliquait que la quasi-absence des femmes dans l'histoire de l'évolution humaine serait due à la valence différentielle des sexes, qui aurait existé dès les origines de l'humanité. Elle estime, dites-vous, que partout, de tout temps et en tout lieu, le masculin est considéré comme supérieur au féminin, le positif est toujours du côté du masculin, et le négatif du côté du féminin. Oui, mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'elle reprend un discours qui ressemble à celui des hommes dont vous parlez. Bien sûr. Et si vous voulez, je peux la... Où je diverge, c'est sur l'origine. C'est-à-dire que j'en ai un peu assez qu'on dise toujours aux origines, c'était comme ci, c'était comme ça. Mais de quelle origine parle-t-on? Parce que quand on lit les travaux, quand on voit sur quelle société elle s'appuie, sur quelle référence et tout ça, Simone de Beauvoir a fait pareil. En fin de compte, c'est pas les origines. C'est pas de ce dont je parle. C'est déjà des choses qui ont été construites au fur et à mesure, et qui prennent naissance, ces constructions différentielles et tout ça, qui vont s'accentuer entre les hommes et les femmes, ça prend naissance au cours du néolithique, à la fin du néolithique, et ça prend vraiment force au niveau de l'âge des métaux, l'âge du bronze. Et, donc, si vous voulez, comment vous dire, je suis d'accord pour un constat, c'est-à-dire que c'est assez répandu, on va dire, hein. On voit les luttes actuelles, hein. C'est assez répandu, cette domination, elle est incontestable, assez répandue. Sauf que, où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que pour moi, ce n'est pas intrinsèque. On n'est pas programmé pour faire telle et telle activité. On n'a pas une origine très ancienne, parce que je pense qu'il y a plein de sociétés, c'était pas le cas. C'était des choses beaucoup plus équilibrées. C'est parce qu'on a voulu, là aussi, plaquer notre façon de concevoir le monde, notamment cette notion du genre. Mais ça, cette notion du genre, elle est très occidentale. Les hommes, les femmes, c'est beaucoup plus complexe dans plein de sociétés, là aussi, de réflexion. On voit que le genre, c'est pas forcément aussi clair. Il n'y a pas forcément deux genres. Je pense que là, c'est sur ça que, avec Françoise, on diverge un peu, parce que c'est pas des origines. Pour moi, c'est une construction. Et c'est pour ça que ça n'a pas lieu partout, que le côté matrilinéaire va rester longtemps. Je parle pas de matriarcat, Quelle est la différence entre matrilinéaire et matriarcal? C'est-à-dire que le matriarcat, ça n'existe pas en réalité. Le matriarcat existe, il y a des codes, ça repose sur des lois. Les lois qui disaient que l'homme était dominé, on était comme mineur, considéré comme mineur. Là, vous parlez du patriarcat, pas du matriarcat. Oui, du patriarcat. On était mineur. Et alors, du coup, il y a eu on a fait une espèce de versus matriarcat. Sauf que C'est ça un peu simplement sur le fait de dire c'est la femme qui va dominer. Mais on n'a pas de texte, on n'a pas de loi, il y a rien. C'était juste un terme qu'on a pris en versus du patriarcat. Et ça, c'est très très difficile à montrer. Il y a peut-être on a discuté sur l'ENA, par exemple, qui sont en Chine, ou peut-être c'est une société même jusque dans où la notion de père n'est pas reconnue. 60. Voilà. Et donc c'était un peu peut-être possible. Mais sinon, il y a beaucoup de sociétés qui sont restées très longtemps jusque dans les années 70, 1900, qui sont restées matrilinéaires. C'est-à-dire que là, c'est autre chose. C'est-à-dire que la transmission du nom, de tout ce qui est de la profession, etc., c'était par les femmes. Donc ça veut dire que des sociétés strictement matriarcales n'ont pas existé. Très peu. Il y avait un grand débat, je vous dis, sur la société Na, en Chine. Donc il y a un étudiant, d'ailleurs, à Françoise Héritier, c'est drôle, qui est chinois, qui avait fait son étude sur eux. Donc ça serait une société matriarcale dans le sens où, au niveau du statut, si j'ose dire, des hommes, c'était vraiment un statut de mineur, de subordonné. Mais c'est très rare. Et en tout cas, on n'a absolument pas de preuves. Dans les périodes préhistoriques. Alors là, ni de l'un ni de l'autre. On n'a pas de preuves de matriarcat, mais on n'a pas plus de preuves de patriarcat. Mais l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Et c'est pour ça que c'est un peu gênant quand on me dit le patriarcat, comme disent certains, il a toujours existé, il était déjà là. Mais sur quoi tu bases ça? Peut-être sur les représentations du 19e siècle, dont on parlait longuement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que représentaient les tableaux montrant la vie de famille, notamment pendant la préhistoire? Bien sûr, c'est ça qui est intéressant, parce que pourquoi la préhistoire? La préhistoire, c'est une discipline qui est entrée dans les foyers, qui est entrée chez tout à chacun, parce que on est dans l'imaginaire, on est dans l'histoire. C'est fascinant. Alors, au départ, même au 19e siècle, ça a eu un succès fou, parce que d'un seul coup, on a pu raconter des choses incroyables avec des héros qui combattaient des monstres, des tigres dans le sable, qui combattaient des mammouths, tout ça. Donc, on a créé une espèce de mythe aussi de l'humain préhistorique. Voilà. Le côté mauvais, c'était de le voir, pour certains, très violent, avec son gourdin, etc. Et parce qu'il y a eu les romans préhistoriques, à partir des années 1880, il y a eu les illustrations, il y avait beaucoup d'illustrations, les peintures et tout, où on montrait quelque chose de... c'était reposer un peu sur les données, mais c'était quand même très dans l'imaginaire. Mais est-ce que c'est pas l'effet d'un biais que dénonçait Bergson? Il parlait du mouvement rétrograde du vrai, en disant que nous avons tendance à considérer que les causes ressemblent aux effets qu'elles produisent. Et donc si la société est arrivée à telle organisation, c'est parce que dès l'origine, cette organisation était d'une certaine façon présente. C'est un peu difficile à envisager dans ce sens. Moi, je crois que c'est plutôt qu'on veut absolument que les choses soient originelles, qu'elles soient quelque part, si vous voulez. C'est un peu pas créationnisme. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que alors que beaucoup de choses, c'est une évolution culturelle. Je prends juste un exemple sur le dimorphisme sexuel. Sur le dimorphisme sexuel, si vous, dans une société, un groupe, vous lui faites faire que des activités qui ne demandent pas beaucoup de déplacements, qui ne demandent pas beaucoup de sport, si j'ose dire, de développer tout son aspect musculaire. Si en même temps vous faites un régime un petit peu moins protéiné, etc., forcément que vous allez ce groupe-là par rapport à l'autre groupe qui va lui être extrêmement entraîné à faire beaucoup d'exercices physiques, à faire beaucoup de à manger, etc., énormément de protéines, etc., vous allez forcément changer, avoir un dimorphisme beaucoup plus marqué. C'est simplement ça, et ça on le voit au niveau de la préhistoire. C'est-à-dire que la robustesse ou la fragilité est supposée des femmes, notamment même au niveau des squelettes par rapport aux hommes, on voit bien que c'est pas le cas. Dans la période préhistorique, on a des femmes extrêmement robustes. On a des hommes robustes aussi, évidemment. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit bien que certaines choses sont culturelles, c'est-à-dire que sont amenées par une construction et pas innées. Mais comment est-ce qu'on fait pour sexuer des fossiles? Alors, savoir s'ils sont des hommes ou des femmes. Bien sûr, ça c'est très important, parce que la difficulté. C'est assez simple, mais en préhistoire, la difficulté, c'est que beaucoup de squelettes ne sont pas bien conservés. Et qu'on a beaucoup de difficultés, jusqu'à 40-60%, des fois, pour essayer de les sexuer, c'est pas évident, on a beaucoup de squelettes qui sont pas sexués. Alors donc, on se basait sur deux choses qui, pour moi, c'est un peu fou. On se basait sur la robustesse, justement, avec cet a priori. Donc, des squelettes bien robustes, etc. Plus plutôt la taille, parce que les os, ils ont une les forme. Os, mais si, ben oui, mais il y a quand même la robustesse des os eux-mêmes, hein. C'est si, par exemple, la compacteur, enfin, je veux dire, au niveau de l'os, il y a quand même, voilà, des choses qui sont plus, plus costauds, comme les non-italiens, un squelette plus robuste que les sapiens. Et donc, il y a, si vous voulez, c'était basé, par exemple, sur ça. Évidemment, eh ben, c'est pas vrai. Puisque nous avons eu la chance, maintenant, depuis quelques années, d'avoir quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle l'ADN. Donc, quand on fait l'étude de l'ADN nucléaire, bien sûr, là, faut travailler sur l'ADN nucléaire, faut donc que les os, les collagènes en contiennent encore. Donc, c'est vrai que plus les fossiles sont vieux, plus c'est difficile. Et là, vous pouvez avoir la réponse, hein, parce que c'est XX ou XY, là, il n'y a pas de mystère. Et c'est pour ça qu'on a eu des surprises. Et que des squelettes qui étaient mis chez les hommes sont devenus des femmes, et inversement, l'homme de menton est devenu la dame du cabillon, vous voyez. Donc c'est assez amusant. Et l'autre biais, c'était d'associer dans les sépultures le mobilier funéraire, c'est-à-dire que pour accompagner le mort, on met certains objets, etc., des beaux silex taillés, des outils de chasse. Et là aussi, c'était une association, quand on pouvait pas savoir féminin, masculin, avec le matériel. C'est-à-dire que si, dans cette sépulture, j'ai du matériel de chasse, on l'attribue à un homme. Et pourquoi? Parce qu'on pensait qu'il y avait cette division sexuelle. Alors vous dites que sans doute il y a eu des femmes qui chassaient, mais sans doute pas de femmes qui lançaient des objets comme des lances. Alors, comment est-ce qu'on peut, par des études comme celles que vous menez, montrer que les femmes ne lançaient pas de lances? Alors, ça se voit comment? Oui, alors déjà je pense que je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'elles ne lançaient pas des armes de jet. Je vais vous dire pourquoi. Alors, l'étude, ça s'appelle l'anthésopathie, c'est-à-dire que au niveau des insertions des tendons et des ligaments, il y a des lésions qui peuvent apparaître, des petits traumatismes qui peuvent apparaître lorsque vous faites des activités répétées. Ça peut être sur n'importe quoi. Si vous êtes souvent à genoux, ça va se voir sur votre squelette, etc. Donc, des activités répétées laissent des lésions, des petits traumas. Donc, en analysant ces lésions, on va essayer de trouver les activités. On l'a fait pour le paléolithique, là, avec la chasse. On l'a fait pour le néolithique, avec les femmes qui étaient beaucoup dans l'agriculture. Là, il y a eu une étude. Ça a été mené. Ces études sur ces lésions ont été bien développées par Olivier Dutour, hein, professeur Olivier Dutour, déjà dans les années 1980. Et puis, ça a été revu là récemment, en 2008, par une thèse de Sébastien Villotte, qui a fait une étude de 74 squelettes, sujets. Et puis, il a montré qu'il y avait majoritairement ce qu'on appelle les lésions dues au coude du tireur, hein, c'est-à-dire qu'au niveau du coude, il y a une lésion bien caractéristique sur l'épicondyle, qui, en fin de compte, montrait qu'il y avait ce tir répété. Et là, sur ces 74 sujets, il a montré qu'il y avait beaucoup de squelettes masculins qui portaient ça et pas de squelettes féminins. Sauf que, si vous voulez, pour la période qui m'intéresse, c'est-à-dire là, le paléolithique, il a étudié des gravétiens, c'est-à-dire des humains de à peu près 24-25 000 ans. Et là, il a que 8. L'échantillon pour tout l'univers de cette époque-là, c'est 8. Ça fait un peu court. Alors, 8 et 4 femmes et 4 hommes. Donc, sur 4, il n'y a pas beaucoup de ces lésions. Bon, moi, je veux bien. Je veux dire, c'est très bien fait, c'est juste. Après, ils voient, par contre, avec les autres, pour la fin du méso et surtout le début du néo, ils voient plus. Non, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations pour trancher la question. Moi, je pense qu'il faut, là aussi, réfléchir et pas essentialiser. Pourquoi voulez-vous que la préhistoire, ça soit la préhistoire? Non. Dans la période qui nous intéresse, là, on va dire entre 300 000 et 10 000 ans, cette période-là, il y a plein de sociétés. Quand vous êtes, moi qui ai beaucoup travaillé, travaille encore sur les Néandertaliens, je veux dire que quand vous travaillez en Angleterre, ou quand vous travaillez comme moi beaucoup en Ukraine, en Crimée, etc., ou jusqu'en Ouzbékistan, des cultures déjà différentes, même chez les Néandertaliens. On voit très bien, on le voit dans le matériel, les techniques de taille, les techniques de subsistance. Donc, il y a des cultures différentes. Au paléolithique, pareil, supérieur, chez les homo sapiens, les premiers hommes modernes, il y en a plein. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de résultat, qu'il y ait une valeur d'universalité? C'est ça, il faut faire attention. Je pense que, si vous voulez, la diversité, elle existe, elle est montrée par les objets. Alors, pourquoi penser qu'il n'y ait pas de conséquences sur aussi la façon d'envisager sa structure sociale, ses relations les uns avec les autres, les hommes, les femmes? Pourquoi? En plus, au niveau de la cosmogonie, on le voit bien. Quand on voit l'art pariétal, donc de ces sapiens et tout, on voit bien qu'il y a déjà aussi des différences. C'est sur l'art pariétal, c'est 25 000 ans. C'est sur 25 000 ans. Évidemment qu'on voit qu'il y a des choses différentes. Je veux dire, des grottes comme Chauvet ou Lascaux, c'est pas exactement la même chose. Ben, forcément, il y en a une qui a 36 000 ans et l'autre 17. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut faire très attention de pas essentialiser. Je pense qu'il faut dire, là, on a un témoignage qui montre que peut-être que dans ce groupe-là, les femmes chassaient pas, enfin, en tout cas, chassaient peut-être, mais ne lançaient pas d'armes de jet. Ouais, on va y revenir, mais moi, j'étais passionné par une partie de votre ouvrage dans laquelle vous citez beaucoup de textes du XIXe siècle, ou bien d'avant et même d'après, qui justifient l'infériorité de la femme. Oui. Y compris sous la plume d'auteurs qu'on pourrait qualifier de progressistes. Je pense, d'ailleurs, celui qui tient le pompon, j'ai l'impression que c'est... Enfin, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais c'est Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, oui, c'est terrible. Proudhon écrit « En elle-même, la femme n'a pas de raison d'être. C'est un instrument de reproduction qu'il a plu à la nature de choisir de préférence à tout autre moyen. » Terrible, hein. Vous êtes d'accord avec moi que c'est le pompon? Je crois que vous avez tout à fait raison, c'est le pompon. Et alors, je suis un peu tombée de ma chaise. Parce que, je veux dire, à ce point-là, je pensais pas que certains auteurs, vous voyez, comme je pense aussi à Schopenhauer, je pense, c'est vrai que là, on a quand même des surprises. Parce que je pense que, on parlait du 19e, et vous savez, le 19e siècle, j'avais fait un précédent dans le livre qui s'appelait, je dis Jacob, Le sauvage et le préhistorique, miroir de l'homme occidental. Donc, j'avais rencontré au cours, d'ailleurs, je pense que c'est lui qui m'a aussi donné l'idée de faire ce livre sur les femmes, parce que lorsque j'ai travaillé sur ce 19e siècle, et notamment sur les catégorisations, les classifications, et bien sûr la hiérarchisation, notamment de ce qu'on appelait à l'époque évidemment des races, parce que c'est le grand développement à cette période-là de l'anthropologie physique. Je me suis aperçue que dans ces classifications, dans ces catégories, il y avait toujours plus inférieur que l'homme, c'était la femme, et toujours basé sur cette fameuse anthropologie physique qui, comme disait Stéphane Jégoud, la mâle mesure de l'homme, hein, qui a fait tout ce qu'on sait comme désastre. Et là, c'était intéressant de voir que cette infériorité donc était basée au départ à la fois sur la vision qu'en avaient aussi les textes sacrés et les religieux, c'est ce que j'ai appelé l'infériorité par ordre divin, hein, parce que là aussi, la femme dans ces textes-là. Et alors, au 19e, vient s'ajouter quelque chose qui va fédérer encore plus cet aspect d'infériorité, c'est inférieur par nature. Parce que beaucoup d'anthropologues vont décréter que biologiquement, plus fragile, qu'elle est gouvernée par, évidemment, ses instincts. On se retrouve là par cette double combinaison d'infériorité. Et je crois que quand vous baignez dans cette atmosphère, si j'ose dire, qui va être appliquée au niveau des lois, on a qu'à lire, j'en cite justement des extraits, le code Napoléon, hein. Donc que la femme est mineure parce qu'elle est inférieure, elle doit être subordonnée, elle doit être mise sous... C'est normal. Vous expliquez que c'est l'homme qui a cru déterminer ce que fut le passé de la femme. Et oui. Il est normal que vous ayez choisi comme chanson « La femme et l'avenir de l'homme ». Voilà. On va l'écouter. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon la femme et l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remette à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon la femme et l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple tout va changer, changer d'une manière inadmissible. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon la femme et l'avenir de l'homme. Bon, ça... Marilène Patoumatos, on a écouté donc la femme et l'avenir de l'homme, formule d'Aragon chantée. Enfin, la chanson est écrite par Jean Ferrat et là, on l'a entendu interprétée par plusieurs voix féminines pour la plupart, dont celle d'Ariel Dombal, de Daniela Lambroso, de Nicoletta. La femme et l'avenir de l'homme. À votre avis, dans un siècle, comment est-ce qu'on parlera de la préhistoire? Ah, ça c'est... Bah... C'est-à-dire qu'il faut, moi je pense qu'il faut toujours voir qu'il y a quand même une évolution dans la technologie. Pour l'instant, ce qui nous manque, si vous voulez, quand on travaille sur du matériel, parce que peut-être rappeler à nos auditeurs que avant tout, la préhistoire comme l'archéologie, c'est du terrain. Ce sont des fouilles archéologiques. Et on doit évidemment étudier ce qui sort de ces fouilles. C'est-à-dire, tous les vestiges, que ce soit les outils, que ce soit les squelettes humains quand il y en a, que ce soit les restes d'animaux, que ce soit la géologie, que ce soit la palynologie, etc., pour refaire l'environnement, pour tout refaire, pour faire parler ces vestiges. Et pour faire parler ces vestiges, évidemment, on a aussi besoin, pour aller plus loin, de technologie. Et tout à l'heure, on parlait de la difficulté de sexuer un squelette, des restes humains. Là, c'est évident que l'ADN, bien, nous apporte d'autres choses aussi. Par exemple, elle va nous donner des fenêtres sur les relations au sein d'un groupe. Je prendrai un exemple, quelque chose qui nous échappait, hein, on pouvait pas le mettre, c'est grâce à l'ADN. Par exemple, de mettre en évidence dans un groupe néandertalien de El Cidron, où on a trouvé 13 néandertaliens, c'est des restes probablement cannibaliques. Et donc ces néandertaliens, on a fait le génome, on a pu reconstituer sur 12 d'entre eux. Et qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que dans cette population, dans ce groupe, il y avait des apparentés. Donc c'était très intéressant. Et il y avait les femmes, deux des femmes sur la case, il y avait deux qui venaient d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on parle de patrilocalité. C'est-à-dire que c'est les femmes qui quittent le clan. Donc dans ce clan-là, par exemple, on a eu une indication qu'on pouvait pas voir au niveau du matériel. Grâce à ADN, on a vu qu'il y avait donc une consanguinité aussi. C'est de l'ordre entre ce qu'on dirait maintenant l'oncle et sa nièce ou la tante et son neveu. Donc il y avait de la consanguinité, qu'il y avait la patrilocalité. Donc vous voyez, ça ouvre sur des domaines que au niveau matériel on ne peut pas mettre en évidence. Donc je pense que ces méthodes vont progresser, qu'on va affiner et que tout ce qui reste en suspens, c'est-à-dire tout ce que voilà, on peut pas mettre en évidence, comment au niveau de la structure sociale, et tout comment les relations entre partenaires, par exemple, est-ce que les hommes avaient conscience qu'ils participaient à la procréation ou pas, c'est des questionnements. Et ce qui est frappant quand on lit les textes du 19e siècle, c'est que ces messieurs ont beaucoup pratiqué ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme, c'est-à-dire ils parlent au-delà de leurs compétences et concluent trop vite. Et votre argument à vous, c'est de dire, on l'a rappelé, que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc, quelle est la découverte dont vous rêvez? Quelle est la découverte que vous attendez, en pensant qu'elle est possible, qui pourrait vous donner des arguments qui vont au-delà de celui que je viens de citer? Ben, je pense que déjà, ça serait intéressant d'avoir des découvertes qui montrent que ce que certains ont imaginé dans cette division sexuée du travail, c'est-à-dire que les femmes sont seulement cantonnées donc du côté de la procréation des enfants et de la cueillette. On a des découvertes qui montrent que non, elles sont dans d'autres activités. Donc, par exemple, des vraies associations avec beaucoup de matériel de chasseurs, par exemple, ou de guerrières. Pour plus tard, on a bien mis en évidence que là aussi, vous savez, c'était un tabou. Hein, les femmes n'étaient pas des guerrières. On a, dans les périodes plus récentes, comme pour les Vikings, les Celtes et tout, on a montré que c'était pas vrai, qu'il y avait aussi des femmes guerrières. Donc, d'essayer d'avoir des choses, des preuves, si vous voulez, de plus en plus abondantes, qui montrent que ces femmes, par exemple, participaient à d'autres activités, notamment la chasse. Mais je crois qu'on a quand même aussi des indications, peut-être qu'on ne veut pas voir non plus, qu'on n'a pas voulu voir. On part, il y a eu, même moi, mais un culpa, maintenant je le ferai plus, mais on partait d'une espèce dans notre tête, des choses qui étaient tellement ancrées, des présupposés tellement ancrés qu'on ne faisait même plus attention. Par exemple, systématiquement, quand on fait des documentaires, enfin, et quand on fait des livres, ou quand on illustre tout, qu'est-ce qu'on fait? On met toujours que des hommes qui taillent l'éthique, que des hommes qui peignent Lascaux, mais attendez, il y a zéro preuve. On peut vous dire à Lascaux combien il y avait d'artistes pour faire la rotonde, si c'était des droitiers, des gauchers, on peut vous parler du style. Mais j'ai une question à propos de... On peut pas du tout savoir si c'est un homme ou une femme qui tenait le burin. Mais pourtant, vous dites qu'on peut le savoir pour ce qu'on appelle les mains négatives, c'est-à-dire mains qui sont apposées sur une paroi et avec un système de pochoir. Comment est-ce qu'on peut savoir si c'est une main féminine ou masculine? Bien sûr, ça c'est très intéressant parce que comme je vous le disais, on faisait tout ça, on nous mettait toujours en avant que c'était plutôt masculin comme activité et on disait même, alors là pour une histoire aussi, je ne sais pas d'où on avait sorti ça, que les femmes n'allaient pas dans la profondeur des grottes. Bon, ça faisait partie des choses. Et là, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert plusieurs grottes. Et là, plus ça va, plus on en découvre. On a découvert plusieurs grottes où il y a des mains, ce qu'on appelle les mains négatives. C'est-à-dire que c'est un système de pochoir. Vous mettez votre main et puis vous crachotez de la peinture autour de votre main et vous enlevez votre main. Et là, on a trouvé une méthode à la fois de morphométrie. C'est pas seulement la taille. C'est aussi avec un logarithme basé sur l'indice de Manning, qui montre que, entre l'index et l'annulaire, nous, c'est à peu près équivalent au niveau de la longueur, alors que chez les hommes, c'est plus long. L'annulaire, c'est plus long. C'est un critère suffisamment discriminant. Et c'est exactement. C'est-à-dire qu'ils ont fait, c'est Dean Snow qui a fait ça. Il a fait un gros travail sur tout ça. Il a pris parce qu'il a travaillé sur l'espèce actuelle que nous sommes. Donc il utilise un truc dont il suppose qu'il est invariant dans le temps. Oui, parce que c'est sapiens. Là, on n'est que dans du sapiens, hein, puisque là, pour l'instant, ces mains, toutes ces périodes, c'est de l'homo sapiens. C'est pour ça que ça serait Néandertal, on pourrait discuter. Et là, donc, il a montré ça. Et ça, c'est quand même très intéressant. Donc, c'est de plus en plus de grottes. Et en plus, c'est partout, parce qu'on a trouvé aussi à Bornéo. Donc, en fin de compte, on a quelque chose qui montre que les femmes sont venues jusque-là, dans des couloirs, etc., dans le profondeur de la grotte. Elles ont laissé leurs mains, comme à Pechmel dans le Lot, une très très belle grotte qu'il faut absolument visiter, qui est magnifique. Alors pourquoi pas penser que elles ont laissé les mains et que le cheval qui est à côté, pourquoi ça serait pas elle? Je dis à ces messieurs, mais prouvez-moi que ça... Parce qu'ils disent, oui, mais prouve que ce soit des femmes. Mais oui, mais prouvez que ce soit des hommes. Vous demandez qu'on c'est inverse terrible. Le régime de la preuve, finalement. Oui, ce que je souhaite surtout, parce que je pense qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Si on commence à dire, c'est pas possible, ça n'existe pas, on ne trouvera pas. Voilà. Vous savez, les doutes. Les incertitudes, c'est ça qui tue, hein, c'est pas le doute. Et donc là, reposons sur rien, non, c'est pas possible, mais on voit pas en quoi c'est pas possible. Parce qu'au niveau de la science, au niveau de l'argument scientifique, du matériel et tout, rien ne le prouve. Donc, ce que je demande, c'est qu'on dise, c'est possible. C'est-à-dire que, voilà, à tel endroit, ben, on ne sait pas. Ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être des hommes et des femmes. C'est ça, c'est simplement là, dans beaucoup de cas, si vous voulez, ce que je souhaiterais, c'est qu'on pense que, eh ben oui, en fin de compte, il n'y a pas de raison. Pourquoi voulez-vous que ça soit que des hommes qui taillent le silex quand on voit actuellement les préhistoriennes, mes collègues qui sont spécialisés dans les outils, dans l'analyse des outils et qui font de la taille super. Enfin, je veux dire, elles maîtrisent totalement. Pourquoi? Et c'est ça qui paraît important. C'est d'ouvrir le champ des possibles, de penser que voilà, et de c'est peut-être ce qu'on peut appeler pour certains l'archéologie du genre, c'est de regarder donc en fonction de ça des possibilités, ne pas partir. On l'a fait sur Néandertal, vous savez. Sur Néandertal, j'ai eu le même combat. On m'a dit non, Néandertal, il est inférieur à sapiens, parce qu'on voulait pas voir certaines choses. Et ça, c'était en 2006. Et maintenant, on voit bien tout ce qu'il sait faire, parce que on a changé le regard, changé la perspective. Je pense qu'il faut changer de perspective pour faire une meilleure analyse et voir que c'est possible. Moi, je souhaite pas dire que les femmes ont tout fait, mais je souhaite qu'on fasse très attention et quand il y a pas de preuves tangibles, ne pas écarter pour une raison qui à mon avis relève plus peut-être de la psychanalyse que de la science, de dire c'est possible, c'est possible que ce soit les femmes. Pour résoudre la question posée, Marine Patoubatou, je vous ai invité, mais je me suis dit, il faut que je lise aussi d'autres préhistoriennes pour voir si elles sont d'accord. Bien sûr. Et donc, j'ai lu un livre écrit par Sylvana Condemi, que vous connaissez sûrement, qui est paléo-anthropologue, directrice de recherche au CNRS comme vous. Spécialiste des Néandertaliens. Voilà, qui a écrit un livre avec François Savatier qui s'appelle « Dernières nouvelles de Sapiens ». Je vous lis un petit extrait et vous me direz si vous êtes d'accord. « S'agissant des Gravettiens, les femmes se sont-elles risquées au contact des mammouths ?» Difficile d'être affirmatif, d'autant que les nombreuses figurines de femmes gravettiennes ne montrent pas de corps de chasseuse. Elles représentent systématiquement des modèles stéatopiges, ça veut dire aux grosses fesses, c'est ça? Aux seins puissants, à la vulve bien visible entre des cuisses massives. Bref, des femmes ayant plusieurs fois enfanté. Pour cette raison, et aussi parce que parfois, ces figurines comportent une ceinture de grossesse, voire une sorte de soutien-gorge, elles sont le plus souvent interprétées comme des amulettes pour femmes enceintes. Voilà qui va dans le sens de la grande importance accordée à la maternité dans les sociétés gravettiennes. Avant certains rôles productifs, vêtements, cuisine, etc., puis de service, médecine, etc., enfanter a pu constituer le rôle social central des femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que, on retrouve ça, c'est quelque chose que c'est classique. Ou par contre, je rejoindrai Sylvana et François, c'est sur le fait que pour moi, l'enfant est au centre du clan. Le clan, vous savez, c'est à ces périodes-là, les groupes, c'est de 30 à 50 individus. Et l'avenir, c'est que le clan se perpétue, c'est-à-dire qu'il meurt pas. Donc l'enfant est au centre et l'enfant, en fin de compte, la seule certitude, c'est qu'il sort du corps de la femme. Donc en ça, c'est clair que ça a une importance, que ce rôle du féminin là est important. Alors pour revenir à cette description des Vénus, qui a longtemps été ce que j'appelle un male gaze sur ces Vénus, c'est-à-dire que c'était essentiellement des hommes qui parlaient des Vénus. Donc là aussi, pendant très longtemps, on a supposé, comme ça, affirmé parfois, que c'était les hommes qui avaient fait ces statuettes. Mais pour quelle raison? Est-ce qu'on peut pas retourner là aussi et envisager que ça soit des hommes dans certaines sociétés et des femmes dans d'autres? Ça peut être des femmes pour des femmes. Les amulettes, bon, c'est vrai, il y a des Vénus. D'abord, elles sont, il y en a beaucoup aussi, elles sont toutes petites, toutes minces, hein. Voilà, puis il y en a dans l'Alta, il y en a qui sont avec des anoraks, hein. Donc, vous voyez, il faut quand même faire attention. Et donc, celles qui étaient perforées, on voit qu'on a fait des analyses, on voit que c'était porté. Donc, pourquoi pas imaginer que dans ces moments très difficiles de l'accouchement, il y a ces gris-gris, quoi, ces amulettes, voilà, qu'elles soient portées. Mais pourquoi, là aussi, ne pas penser que c'est les femmes qui régissaient ça? C'est-à-dire, de penser qu'il y avait quelque chose autour de la maternité et tout, évidemment régi par les femmes. Et ça, je crois que c'est... il faut pas du tout le négliger. C'est ce qu'il faut éviter, et ce qui a été fait longtemps, c'est de hiérarchiser les activités. Cette activité-là est importante. Quand vous entendez tout à l'heure Françoise Héritier de dire qu'en fin de compte, ce qui a été valorisé dans son argumentaire, c'était ce qui a été valorisé, c'est plus de tuer que de donner la vie. C'est terrible. Mais c'est Simone de Beauvoir qui dit ça. Oui, mais Françoise a repris ça sur voilà que c'est aussi quelque chose qui est pas évident. Et comment est-ce qu'on peut le savoir d'ailleurs? Exactement. Et pourquoi partir de ce principe-là que c'est ça? Est-ce qu'on peut pas penser différemment là aussi? Changer de perspective, un petit peu décoloniser notre pensée, je ne sais pas comment on pourrait dire au niveau de ça, sortir de cet anthropocentrisme européocentrisme, je ne sais pas, cette vision de voir. Est-ce qu'on peut pas imaginer quelque chose d'abord de plus complexe, de plus diversifié, où il n'y a pas de hiérarchisation, c'est-à-dire que le fait d'avoir cette activité est aussi une activité majeure, ce qui ne rend pas inférieur. On a toujours valorisé la chasse par rapport la cueillette. Alors, non seulement on fait la division sexuée mais du travail, mais en plus, très longtemps, on a hiérarchisé. C'est pour ça que j'avais ce colloque Man's Hunter. On ne peut pas exclure qu'il y ait eu des femmes chasseuses, même si on n'a pas de preuves formelles. Sauf récemment, on a eu un peu de preuves. Mais est-ce qu'il y a eu des femmes guerrières? D'abord, depuis quand est-ce qu'il y a des guerres? Et pourquoi est-ce qu'on s'est fait la guerre? Et est-ce que des femmes ont participé à la guerre? Est-ce qu'il y a une continuité entre la chasse et la guerre, par exemple? Alors ça, c'est un travail que j'avais fait aussi, qui s'appelait justement sur Préhistoire de la violence et la guerre, chez Odi Jacob. Et là, j'avais essayé, parce qu'on entendait toujours, oui, mais c'est la violence, c'est depuis toujours, etc. C'est originel. Il y en a presque qui voient même un gène de la violence dans les humains. Et là, en fin de compte, ce qu'il y a, c'est que pour le paléolithique, on n'a pas de charnier, on a quelques rares traces de coups. Et évidemment, on va me dire, oui, mais tu peux tuer quelqu'un sans laisser une trace sur le squelette, ce qui est juste. Mais quand on compare quand même à ce qui va se passer au néolithique et qu'on fait une règle de trois, hein, simplement on rapporte au nombre de cas, on s'aperçoit qu'il y a une nette augmentation donc de la violence. On va avoir des vrais charniers plus tard au néolithique. Et là, on est dans un autre type de société. Au paléolithique, si vous voulez, il y a une société qui, contrairement là aussi à une vision peut-être fausse de la préhistoire pour beaucoup, c'est pas, on survit pas. On survit pas. Faut arrêter ça aussi. Ils vivent, comme beaucoup de chasseurs-cueilleurs ont très bien vécu pendant les périodes historiques, pas maintenant évidemment. Et donc, ils vivaient, ils ont traversé les époques. C'est la résilience, on est là, c'est la preuve que tout ça a marché. Donc, si vous voulez, on a de la subsistance, des gros troupeaux d'animaux, il y a tout ce qu'il y a, il y a de l'espace. On n'est pas ce que je veux dire par là, c'est que j'ai analysé pourquoi on pouvait se mettre à être violent. Et là, il n'y a pas les conditions, si j'ose dire. Mais quand j'imagine qu'au néolithique, le cultivateur est au champ, l'éleveur est avec son troupeau, je me fais donc une image de carte postale. C'est-à-dire que là c'est par exemple pour la place des femmes au néolithique, parce qu'on a la chance d'avoir eu beaucoup de squelettes, parce qu'il y a des grandes nécropoles, et on voit par exemple que tout ce qui est lié à l'agriculture est extrêmement féminine. Que là, justement, les petites lésions dont je parlais tout à l'heure, qui marquent les activités répétées, eh ben, on voit que chez les néolithiques, pour les femmes, dans certaines sociétés, je précise toujours, dans certaines sociétés et dans certaines régions, on voit qu'elles étaient beaucoup, beaucoup dans les champs, mais qu'elles faisaient à la fois le travail dur du labour, c'est-à-dire jusqu'à les graines. Et donc là, elles ont une emprise très forte, parce que ça va être stocké, ça va être les premiers bien, qui vont être échangés, parce qu'on voit des silos qui apparaissent, etc. À la même période va apparaître les élites. On va voir dans les peintures, on va voir des humains plus grands, etc., des chefs. Dans les tombes, ce qu'on n'a pas au paléolithique, on va avoir des tombes riches, des tombes pauvres, donc une espèce de d'élite qui se met en place, de hiérarchisation des sociétés. Et donc là, on change de monde, on change de structure sociale, et c'est probablement dans ces périodes que le statut de la femme va changer. Au paléolithique, j'ai analysé les sépultures, il n'y a pas de plus riche mobilier avec les hommes qu'avec les femmes. Et là, alors que après, on va avoir des mobiliers plus riches. Mais est-ce que les femmes sont enterrées séparément des hommes, ou est-ce que c'est des tombes mixtes, si j'ose dire? C'est-à-dire que c'est souvent des tombes individuelles, mais il y a quelques tombes collectives, où dans les tombes collectives, il y a les deux. Il y a même des enfants. Les Néandertaliens ont même enterré des fœtus, pour vous dire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au néolithique, on a des changements, mais ce qui m'a paru intéressant, que je prends Stonehenge ou autre, c'est de voir que il y a encore dans cette période-là, vers, on va dire, 5000, 4000 ans, avant notre ère, on a encore, si vous voulez, des femmes qui sont des femmes en apparat, qui sont des femmes qui sont, voilà, qui font partie aussi de l'élite. Donc, il n'y a pas une infériorisation non plus de toutes les femmes. C'est plutôt la mise en évidence d'une certaine inégalité, quoi, qui va se mettre en place avec évidemment la production et les biens à transmettre, etc. Mais Marilène Patoumatis, si vous avez raison, si l'hypothèse que vous faites est juste, à savoir que les femmes ont occupé dans la préhistoire une place plus importante et plus symétrique que ce qu'on a l'habitude de dire, est-ce que j'ai le droit d'en déduire que du coup la condition des femmes s'est dégradée au fil du temps? Moi, je pense que dans certaines régions du monde, à certaines périodes, c'est un petit peu, un petit peu en dents de scie aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a dans l'histoire, c'est pour ça que j'ai fait un petit chapitre, n'étant pas historienne, il y a des grandes collègues historiennes qui sont formidables, là, qui sortent les femmes un peu des tiroirs. On s'aperçoit qu'il y avait des femmes qui ont fait plein de choses, qui ont été même dans les sciences très tôt, qui ont été des chefs, des vrais chefs, qui ont dirigé des pays entiers, et on les a un peu gommés, pas un peu même, on les a beaucoup gommés au 19e siècle. Hein. Donc je pense que de tout temps, ça a un peu varié, et je pense que la femme chez les Celtes, à mon avis, c'était peut-être plus intéressant de vivre à cette période-là que de vivre, par exemple, pour les femmes au XVIIe ou au XVIIIe siècle, contrairement aux apparences, voyez. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même dans l'histoire une dégradation, moi je pense. C'est-à-dire que le patriarcat, petit à petit, s'est fortement imposé. Ça fait un peu tache d'huile. Et donc, c'est quelque chose qui a été quand même très, très dur pour les femmes. Ça a enfermé quand même les femmes. On se posait des questions, vous savez, au 19e, déjà à la fin du 18e, est-ce qu'on doit les instruire? On a même posé à un moment donné, dans le Concile de Trente, on s'est demandé, c'est pas le Concile de Trente, dans un autre concile. Si les femmes faisaient ancien, partie si de leur humain. Si elles avaient une âme, hein, ça rappelle Valladolid quand même. Donc la controverse de Falloni, mais là, est-ce que les femmes ont une âme? Donc vous voyez, on s'est toujours interrogé, mais c'est très, là aussi, mon souci, parce que j'ai pas pu faire ce travail sur d'autres pays. C'est-à-dire que là, on est très, faut dire que la préhistoire est très européenne, surtout pour ces périodes anciennes. Mais on n'a pas, évidemment, Néandertal, il n'y en a pas ailleurs en Asie, par exemple. Donc, mais j'ai pas vu comment c'était perçu dans d'autres régions du monde. Parce que là aussi, c'est quand même nous, hein, qui regardons. Merci, Marilène Patoumatis, d'être venue nous parler en direct dans un studio de la Maison de la Radio. Je recommande la lecture de votre livre, L'homme préhistorique est aussi une femme, qui est paru aux éditions Alary. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Jacques Hubert et à la réalisation Anna Holweck, que je remercie. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gelsberg pour En français dans le texte.